Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. Début de la Série mondiale ce soir entre les Braves d'Atlanta et les Astros de Houston. On en parle avec notre collaborateur Mark Griffin. Salut Marc. Salut Danny. Marc, je suis un petit peu divisé. Moi, je suis un grand fan d'Alex Antopoulos, évidemment. Sauf que Dusty Baker, 72 ans, un homme respecté dans le baseball, lui, il n'a jamais gagné la Série mondiale. Puis ce serait le fun qu'il la gagne à quelque part. Là. Ben, écoute, c'est sûr que c'est une Série mondiale... En effet, un peu spécial. Tu as raison de parler de Dusty Baker, qui a à peu près tout fait dans le baseball, ouais. Sauf remporter une série mondiale. C'est un des gentlemen du baseball. On va se le dire, là, c'est un gars qui a toujours été respecté partout où il est passé. L'autre côté, c'était Brian Snitker, qui a passé toute sa carrière dans l'organisation des Braves. Il a à peu près tout fait les emplois de baseball imaginables dans une organisation. Et évidemment, t'as Alex Antopoulos qui vient s'ajouter à ça. Fait que c'est vrai que c'est un peu déchirant parfois de choisir un gagnant de ce côté-là, mais c'est ça. En fait, ce qui va rendre ça intéressant, là, ouais. C'est que deux gérants, bon, t'as parlé de Baker, 72 ans, Snitker, il est 62, 63 ans, c'est des gars un peu de la vieille garde, ouais. Mais je trouve que ce sont drôlement bien adaptés au baseball d'aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, ils prennent en considération les statistiques avancées, mais les gars gèrent leur match. Mm. C'est les gars qui gèrent par leur instinct, qui gèrent par ce qu'on appelle le jargon, le gut feeling. Chose qu'on a moins vu dans les dernières années avec plusieurs organisations. Ce que j'aime de Dusty Baker, c'est qu'on sait que les Astros ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans les statistiques avancées. On a pratiquement remercié bonne partie des dépisteurs. Puis là, depuis que Dusty Baker est revenu, on a réembauché les dépisteurs. On a retrouvé un petit peu le côté humain du baseball. Alors, juste pour ça, je trouve que Dusty Baker a fait du travail remarquable. Puis, ça va être le fun de voir les décisions prises. J'ai l'impression que plusieurs vont être prises en raison de ce qui se passe dans le match et non en raison de la préparation puis prise de décision avant la rencontre. Tu sais, puis le fils de Brian Snitker n'est pas un instructeur des frappeurs des Astros aussi? Absolument. Belle histoire. Ouais. C'est un gars qui a joué un an ou deux dans les ligues mineures. Vous voyez que ça n'allait pas marcher. Devenu entraîneur immédiatement puis qui a gravi rapidement les échelons. C'est pas évident là, de faire ce qu'il a fait. Alors, Brian Snitker était très, très fier de son fils et va se retrouver donc. En fait, le trophée de la Série mondiale va se retrouver chez les Snitkers. C'est de savoir, il va être du côté du père ou du fils. Mais ça aussi, c'est une belle histoire, ça. Ouais. Il faut parler du travail d'Alex Antopoulos. Moi, écoute, je suis un grand fan d'Alex. Écoute, depuis 2015, la fois qu'il avait bougé avec les Blue Jays, moi, il m'avait fait écarquiller les yeux. J'ai eu quelques fois l'entrevue aussi. C'est un chic type également. Tu le connais aussi personnellement. Mais à la date limite des échanges, écoute, il faut rappeler les Braves d'Atlanta. Il y avait Ronald Acuna Jr. qui s'est blessé très sérieusement avant la pause du match des étoiles. De Marcel Osuna qui, lui, avait eu des accusations graves concernant de la violence conjugale. Donc, les Braves exact. Étaient très, très démunis au niveau du trio des voltigeurs. Puis là, il est arrivé par la suite. À la date limite des échanges, il a complètement refait son trio de voltigeurs. Et c'est un trio de voltigeurs qui fonctionne beaucoup. Évidemment, on parle beaucoup de Deo Rosario, mais il y a de Jack Peterson également. Et ça, il n'a pas touché à son noyau également. Là. Ça, c'est colossal. Là. L'histoire est incroyable. Il n'a rien donné pour avoir pour avoir Adam Duvall, pour avoir Jorge Soler, pour avoir Peterson. Rosario. Et Rosario, évidemment. Rosario, écoute, on n'a rien donné. La blague là, que les gens font dans le milieu du baseball, c'est qu'on a après donné un sac de balles pour avoir Rosario, puis regardez ce qu'il vous a donné en série championnat. C'est phénoménal, en fait, ce qu'il a fait. Puis imagine-toi, là, tu t'appelles Freddie Freeman ou Ozzy Albies. Bon, tu vois les gars tomber au combat, là, tu as parlé de Acuña, de toute déception de Patchy qui devait être le voltigeur de centre. Il n'y a rien qui a fonctionné au niveau des voltigeurs. Puis là, ben, toi, tu es un joueur, puis tu vois ça, là. Ton directeur général s'en va chercher un gars, Adam Duvall, qui a, imaginez, là, qui a remporté le titre, c'est lui qui a produit le plus de points produits dans la Ligue nationale cette année. Tu vas chercher un Jock Peterson. En fait, Peterson a été le premier qu'on est allé chercher. C'est motivant pour un joueur de l'équipe. C'est motivant pour un Freddie Freeman, puis, tu sais, de voir ces gars-là. Alors, écoute, Antopoulos fait un travail remarquable. Puis, tu sais, on a beau dire que c'est 88 victoires en saison. Ça compte plus, là. Là, c'est une série mondiale. C'est les 7 prochains matchs. En fait, les 4 prochains, là, qui vont être déterminants. Mais c'est là que tu vois qu'un gars comme Antopoulos, il regarde pas la parade passer. C'est au contraire. C'est lui qui l'organise, la parade. Puis, c'est ça qui fait que le baseball au Canada est ce qu'il est maintenant. Parce que ce qu'il a fait en 2015-2016, c'était extraordinaire. Puis là, ben, il est en train de faire la même chose avec les Braves d'Atlanta, une première participation en série mondiale depuis 1999. Alors, à un moment donné, il va falloir donner crédit aux bonnes personnes, puis dans ce cas-ci, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est Alex Antopoulos. Est-ce que tu penses que les Astros vont être motivés pour faire oublier? T'sais, les Astros, c'est pas l'équipe la plus aimée dans le baseball, là. Raison, évidemment, de les tricheries, et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que c'est ça, en fait, en sorte que ça va les motiver davantage pour prouver quand on est capable de gagner, même sans tricherie? Sûrement, hein? Ah ben absolument, absolument. Ouais. Écoute, tu sais, on se motive sur pas grand-chose. Moi, je me rappelle-toi le documentaire sur Michael Jordan de Last Dance. Ah, je sais pas si tu l'as vu, mais je veux dire, lui, Michael se motivait là, à pas grand-chose. À un moment donné, il disait, oh, il se passe là, je vais leur prouver que... Mm. C'est un peu la même chose qui se passe avec les Astros actuellement, c'est clair. Mm. C'est clair, parce que là, qu'est-ce qui va arriver avec Carlos Correa? On sait pas, il devient joueur autonome. Est-ce qu'on va commencer à voir un changement à partir de l'année prochaine? Alors, on se dit, on est ensemble encore, c'est un des quatre joueurs d'avant-champ, l'espèce de quatuor d'avant-champ, tu sais, qui a été là le plus longtemps, qui connaît du succès, qui, tu sais, ils veulent arriver et prouver qu'ils sont capables de gagner, là, bon, sans les fameuses accusations qu'on connaît. Donc, absolument que c'est une source de motivation pour eux autres. OK. Donc, est-ce que Lance McCullough va être revenu? Parce que ça pourrait être la clé. Non? OK. Okay. Non, il n'en sera pas McCullers, et effectivement, c'est un bon point que tu soulignes. C'est un gars qui ne lancera pas. Écoute, il ne lançait pas contre les Dodgers, contre les Red Sox. On se disait ça va certainement aider. D'ailleurs, tu sais, les Red Sox étaient à deux manches de prendre les devants 3-1 là, dans la série. Il ne faut pas l'oublier. Là. Ça a viré de bord, mais McCullers est un élément important. Ça met de la pression sur Valdez et Garcia. Ils ont très bien fait leur dernier départ contre les Red Sox, mais ça a été très difficile auparavant. Fait que lesquels vont se présenter en série mondiale, ça reste à voir. Mais chose certaine, je pense pas qu'il faut avantager là, outrageusement les Astros dans cette série mondiale-là. Là. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus serré que les gens le pensent. Tu compares vraiment le champ extérieur, les receveurs, partants, releveurs. Les Braves sont solides partout, à part ça. Ben, le site LMB, ils ont fait la comparaison position par position, Marc, puis c'est pas mal égal à pas mal de positions. Tu regardes ça, là, ça se ressemble beaucoup. Là. T'sais, exemple, au deuxième but, on donne avantage aux Astros avec Altuve contre Albies, mais t'es pas mal pris l'un ou l'autre. C'est très, très proche. Ben, en fait, ton expression est juste, ils sont pas mal pris nulle part. C'est pour ça que moi, puis même je te disais qu'ils ont un avantage au niveau des lanceurs partants. Là. Ouais. Je pars avec Morton, avec Freed, avec Anderson, je m'excuse, mais c'est assez solide, merci. Alors, j'ai hâte de voir la réaction des Braves. Bon, évidemment, l'expérience en série mondiale compte. On sait que les Astros ont vécu, mais j'ai bien hâte de voir comment Atlanta va réagir dans tout ça. J'ai l'impression que ça va être une série pas mal meilleure que les jeunes l'anticipent. OK. Je vais te parler des Dodgers. Est-ce que c'est une déception, les Dodgers? Ils sont allés chercher Max Scherzer, puis ils n'étaient pas capables de lancer dans le match 6. On était comme mal pris. Tu sais, avec la masse salariale qu'on a, c'était quand même incroyable du côté des Dodgers qu'on n'a pas été capable de rivaliser au niveau du monticule là, dans cette série-là. Là. Ouais, ben écoute, c'est clair qu'avec une masse salariale de la sorte, que tu avais un Gavin Lux au champ centre pendant 3 matchs. Ouais. Que t'avais des joueurs hors position. C'est sûr que s'il y a un travail à faire du côté des Dodgers, c'est de regarder cette profondeur-là. Je sais qu'on était affecté beaucoup. Bon, il y a eu le dossier Trevor Bauer, évidemment, mais tu regardes toutes les équipes, ont eu à traverser des périodes de la sorte. Donc, c'est un peu surprenant du côté de Los Angeles où on était pacté de lanceurs partants, puis on s'est retrouvé en série, puis on savait plus quoi faire. Il fallait mettre Buehler à 3 jours de repos à 2 reprises. ça devenait difficile. Il va y avoir des changements. Il y a beaucoup de joueurs autonomes du côté des Dodgers. Ouais. Il y a peut-être là aussi un tournant dans cette organisation-là. Je suis pas certain, moi, qu'on va remettre ce contrat car Corey Seager. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même des changements importants. Il va y avoir des joueurs qui vont revenir, évidemment, mais tu sais, Kershaw est joueur autonome, Seager est joueur... Il y a beaucoup de joueurs là, de cette cohorte des Dodgers qui deviennent joueurs autonomes. Alors ça va être un hiver fort intéressant à suivre pour ça. Effectivement, mais ça risque d'être vraiment amputé en raison du conflit de travail. Hein. On parle de plus en plus d'un conflit de travail qui pourrait commencer début décembre. Évidemment, là, j'imagine que ça, le marché des agents libres ne partira pas tant aussi longtemps que ce dossier-là ne sera pas réglé. Là. C'est quand même... C'est vrai. Écoute, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce nouveau contrat de travail-là. Par contre, écoute, là, plus que jamais, là, si on décide d'aller en lock-out ou en grève, oubliez ça, là, je veux dire, les pertes vont être bien plus énormes que les gens pensent. Là, fait que j'ose espérer qu'on est assez, tu sais, qu'on est assez, je vais utiliser le mot intelligent, là, pour que on puisse arriver avec des ententes. C'est sûr que ce qui se passe avec les joueurs autonomes actuellement, il va y avoir beaucoup de changements au niveau, tu sais, au niveau de, les joueurs vont appartenir combien de temps à une organisation, ça va prendre combien de temps avant qu'ils deviennent joueurs autonomes. Il va y avoir beaucoup de changements à ce niveau-là, l'arbitrage exactement. Donc, tout ça fait en sorte que, oui, c'est délicat, mais c'est pas... Tu sais, on peut s'entendre. Ouais. Il faut s'entendre. Il mais faut y a une rivalité entre les deux. Il y a une très grosse rivalité entre les deux. Tu sais là, que c'est pas la relation entre l'association des joueurs et les propriétaires et Robert Manfred, ce sont pas beaux fixes. C'est pas facile. Ah non, c'est pas chic. Non. Je comprends, moi, les rumeurs de grève potentielle ou lock-out potentiel. Je les comprends. Je veux dire, c'est clair parce que c'est deux. C'est le syndicat des joueurs de baseball. Là, c'est probablement le syndicat le plus puissant aux États-Unis. Là. Fait que, mais les propriétaires du baseball, c'est aussi probablement les plus têtus. Alors, on se retrouve avec une situation comme ça. Mais malgré tout ça, là, j'ai quand même confiance qu'on arrive avec un terrain d'entente. Rappelle-toi, là, lors de la COVID l'année dernière, là, et puis là, il fallait renégocier le retour au jeu. Puis ça avait été épouvantable. Ça avait été publiquement, tout le monde a mal paru. J'ose espérer, donc, encore une fois, qu'on a appris de ces choses-là. Le baseball, honnêtement, là, ne peut pas se permettre d'être en grève ou de pas commencer une saison parce que on dispute des millions de dollars. Ça marche plus. Il y a trop d'opportunités d'aller ailleurs. Il y a trop d'opportunités pour les partisans d'avoir des choix. Il va y avoir des répercussions beaucoup plus graves que il y en a eu lors du dernier conflit de travail. Puis le dernier conflit de travail, là, malheureusement, il faut le rappeler. Ça a pris une crise pour remettre le baseball sur les rails. Oui. Puis ça a fait perdre une franchise à une ville que tu connais bien. Il y a eu quand même des dégâts suite à ça. Puis on n'était même pas proche des chiffres qu'on a aujourd'hui. Là. Donc, il faut vraiment qu'on trouve un terrain d'entente. Dernier point, Marc, ça fait longtemps qu'on ne s'y est pas parlé. Je veux te parler de... C'est arrivé il y a quelques semaines, un dossier qui est vraiment... qui me tient à cœur, c'est le dossier des joueurs des ligues mineures. Le baseball majeur va finalement payer les loyers aux joueurs du baseball mineur. Il était temps. Hein? On parle d'un million, c'est des peanuts, un million pour les équipes du baseball majeur. On faisait déjà le calcul dans mon temps, qu'on disait justement là, 1 million de dollars allait donner à tout le monde, tu sais, disons, un rythme de vie pas mal plus agréable. Parce que le baseball est fait ici. Le baseball est fait que tu ne peux pas faire une carrière dans le baseball professionnel mineur. On veut que tu sois que tu as 6 ans. Dans le fond, tu as 6 ans. Si après 6 ans, tu n'es pas rendu ou tu n'es pas prêt d'être rendu, bye-bye. Puis si tu fais trop d'argent, tu deviens confortable. C'est pas ça qu'on veut. Alors, ça a toujours été la mentalité du baseball. Moi, je suis d'accord à un certain point avec ce qui s'est fait. Surtout d'accord pour les jeunes recrues qui arrivent. Tu sais, ligue des recrues, ce qu'on appelle des short season, même peut-être la catégorie offer. Je suis d'accord qu'on trouve, qu'on aide les jeunes à se trouver un logement qui a de l'allure. Mais à partir du 2A et du 3A, ben, évidemment, tu comprends que ça, je suis un petit peu moins d'accord. Là, les gars sont un peu plus vieux. un peu plus de maturité, ils peuvent se débrouiller un petit peu plus. Moi, j'aurais quand même aimé que les salaires, je sais qu'ils ont augmenté un petit peu, mais il faut les amener quand même à un niveau qui est acceptable. On est encore sous le seuil de la pauvreté pratiquement chez les joueurs de l'Illinois, parce que n'oubliez pas qu'ils sont payés juste 6 mois par année. Ouais. Alors le gars qui fait qui pense qu'il a un bon salaire, là, mais qui fait 2 000 $ par mois, là. Parce que c'est un bon salaire dans le baseball mineur professionnel, 2 000 $, là. Mais 2 000 $ par mois, c'est pendant 6 mois. Fait que je suis pas très fort en maths, là, mais 12 000 $, là, c'est pas ça qui va faire. Tu comprends ce que je veux dire? Les joueurs de la Ligue américaine de hockey, c'est 50. C'est à peu près 60 à 80 000, la Ligue américaine de hockey. Tu sais, ça pourrait. Tu peux faire, tu sais. Ouais. Tu peux gagner ta vie, là. Écoute, je suis content, c'est un pas en avant. Ouais. J'espère juste que. On n'achète pas du temps en disant, regardez, on fait ça, là, puis là, on laisse aller pendant une dizaine d'années. Tu sais, j'aimerais ça qu'on continue tranquillement, pas vite, à faire en sorte. Surtout, là, que le baseball majeur a retiré un paquet d'équipes dans les équipes affiliées. Il y a 52 équipes de moins. Il y a quelque chose à faire, et puis je pense qu'on voit de plus en plus, là, ben, le développement des joueurs d'une organisation est doublement important. Là, regarde tout ce qui se passe en série, les équipes qui développent. Donc, si tu développes, traite-les peut-être un petit peu mieux, donne-leur les conditions un peu meilleures, puis je suis convaincu que les résultats vont venir par la suite. Est-ce que tu penses que on va finir là-dessus, les Afro-Américains, parce que le baseball, il y a pas beaucoup d'Afro-Américains, je pense que c'était 11% la dernière étude que j'avais vue, qui était des joueurs Afro-Américains. Tu sais, il veut dire, il y a le college football, il y a la NFL, il y a la NBA, tu sais, souvent les Afro-Américains sont capables de jouer dans plusieurs sports. Certainement qu'ils ont fait ça aussi pour peut-être aider la communauté afro-américaine qui est plus d'afro-américaine dans le baseball. Ça a un lien, certainement. Oui. Un lien. Un petit lien. Le plus grand lien, moi, je vous dirais, là, qui va faire en sorte que les meilleurs athlètes, dont les afro-américains, vont peut-être choisir le baseball éventuellement au détriment du foot ou du basket. Parce que, comme tu le dis, c'est souvent ces athlètes-là peuvent faire à peu près les trois sports. C'est que là, la tendance. Surtout si tu signes après ta troisième année universitaire ou quatrième année universitaire, les gars passent un an et demi dans les mineurs seulement, puis ils atteignent le baseball majeur. Il y a une vingtaine d'années, ben c'est un minimum de 3 ans dans la Ligue mineure. Mm-hmm. C'est là que les gars disaient, écoute, je peux aller directement dans la NBA, puis faire les millions, puis aller, bon, mais je ne me taperais pas 3 ans d'autobus, puis de salaire de crève-faim, comme on vient de parler, pendant 3 ans, en espérant d'eux. Là, maintenant, les bons athlètes, écoute, les programmes universitaires sont vraiment meilleurs, on prépare les gars, puis c'est pas rare aujourd'hui qu'on entend un nom, un jeune qui arrive dans le baseball majeur, puis a été repêché l'année auparavant, ou ça fait juste un an et demi qu'il a été repêché. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, les bons athlètes n'auront pas à traîner trop longtemps dans les rangs mineurs, les exceptionnels, les très très bons, justement ceux qui peuvent faire les trois sports. Là. Alors moi, j'ai l'impression que ça pourrait aider. Ouais, exact. Ouais, ouais. Alors ça va aider, c'est certes, ça va aider. Tu sais, tu regardes le baseball aujourd'hui, là, c'est je parle pas des lanceurs, là, je vais parler des joueurs de position, mais les 8 joueurs de position, ce sont de très bons athlètes. Je dis pas que ce n'était pas des bons à l'époque, mais souvent on peut en cacher au champ gauche, on en cache au premier but, les gars n'étaient pas très mobiles. Là, on se retrouve vraiment là, avec des. Le baseball a beaucoup évolué à ce niveau-là, où là, on se retrouve avec 25, 26 joueurs très, très, très athlétiques dans une formation. OK. Marc, merci beaucoup. Bonne série mondiale. Donc, on t'écoute ce soir à 20h sur les ondes de RDS. Très gentil. Merci, Daniel. Ami Marc Griffin.